إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc on continue avec notre livre de coopération de parole d'Ibn al-Qayyim رحمة الله عليه sur la science. Donc on est arrivé au point 49. Talabul ilm min afdal al hasanat. Fa talabul ilm min afdal al hasanat wal hasanat yudhibu al sayiat. Fa jadir an yakuna talabul ilm ibtigha'a wajhi Allah yukaffiru ma mada min al sayiat. Fa qad dallat al nusus an ittiba' al sayiat al hasanata tamhuha. Fa kayfa bima huwa min afdal al hasanat wa ajal al ta'at. L'apprentissage ou la recherche de la religion, l'apprentissage ou la recherche de la science fait partie des meilleures œuvres, des meilleures hasanat. Et les hasanat font disparaître les sayyi'at. Donc les bonnes actions font disparaître les mauvaises actions. Donc il est bien, il sied à l'étudiant d'apprendre sa religion, de rechercher de la science, afin de faire plaisir, bien sûr, afin de rechercher la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette œuvre va faire effacer les péchés. Cette œuvre va faire effacer les péchés. Il y a beaucoup de preuves qui montrent ceci. Il y a beaucoup de preuves qui montrent que la CIA, c'est-à-dire le mauvais acte ou les mauvaises actions, sont effacées par les bonnes actions. Alors que dire de celui qui va apprendre sa religion parce que ça c'est... et aussi qui va œuvrer, c'est-à-dire en faisant les meilleures adorations. Car l'apprentissage de la religion, c'est les meilleures adorations, et c'est aussi les meilleures hasanat. Wa qad ruya 'an 'Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu anna rajula la yakhruju min manzilatihi wa 'alayhi min adh-dhunub mithlu jabal tihama fa idha sami'a al-'ilma khafa wa raj'a wa tab fa tsarafa ila manzilihi wa laysa 'alayhi dhanbun fala. Donc, il disait Omar ibn Khattab, certes, l'homme sort de sa maison et il a en lui des péchés qui sont aussi grands que la montagne de Tihama. Et lorsqu'il entend la science, lorsqu'il écoute cette science, il a peur et revient et demande pardon. Il fait taouba, donc il se repent. Donc il sort de sa maison, donc lorsqu'il sort de sa maison, il n'aura plus de péché. Hein. Lorsqu'il va sortir de sa maison, il n'aura plus de péché. Alors ne vous divisez pas ou bien ne vous séparez pas des assises des savants. Ne vous séparez pas des assises des savants. Donc regardez la wasiya, le conseil de Omar ibn al-Khattab qui dit aux gens, ne vous séparez pas des assises des savants. El-Waj al-Khamsoun, 50e point. Mubahat al-Malaika bitalabat al-ilm. 50e point, la louange ou bien le fait que les anges vont citer, vont mentionner en vantant ceux qui recherchent la science. Donc, طلب العلم. أن الله تبارك وتعالى يباهي ملائكته بالقوم الذين يتذاكرون العلم ويذكرون الله أو يذكرون الله ويحمدونه ما من عليهم منه به. Donc, certes, Allah subhanahu wa ta'ala va vanter donc l'étudiant en religion auprès des anges, c'est-à-dire ceux qui apprennent la religion, la science, ceux qui se rappellent d'Allah, ceux qui louent Allah de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a octroyé. Donc il va vanter ces gens-là auprès des anges. Donc Tirmidhi dit, rahmatullah alayh, ou donc, où Abi Othman disait de Abi Saïd, donc Muawiyah est sorti, hein. Kharaja Muawiyah ila al-masjid fa qala ma yujlisukum qalu jalasna nadhkuru Allah azza wa jal qala Allahi ma ajlasakum illa dhalika qalu Allahi ma ajlasna illa dhalika qala ama inni lam astahlifukum tuhmatan lakum وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل حديثا عنه مني. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه قال: ما يجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا بك. قال: الله ما أجلسكم إلى ذلك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلى ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، إنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. Donc Mouawiya est sorti, donc est parti à la mosquée, et il a dit: qu'est-ce qui vous a fait asseoir? Donc ils dirent, c'est-à-dire des gens qui apprenaient la science, ils dirent: nous nous sommes assis afin de nous rappeler d'Allah Azza wa Jal, afin d'évoquer Allah Azza wa Jal. Et il dit: est-ce pour Allah ce que vous faites, hein? Est-ce que c'est pour Allah votre assise? Ils disent: Naam, donc c'est pour Allah que nous sommes assis, que pour cela, que pour nous rappeler d'Allah. Et il dit: sachez que je ne vous ai pas demandé de jurer, hein, parce qu'il dit: ah Allah, est-ce que c'est-à-dire par Allah, hein, donc ça serait plutôt la phrase: par Allah, vous vous êtes assis que pour cela. Donc il leur fait jurer, et ils ont juré: bien sûr, par Allah, nous nous sommes assis que pour apprendre la science. Donc il dit: Mu'awiya, rahmallah, wa radiallahu anhu, je ne vous ai pas juré par doute de vous-même, car je doute de vous. Car il n'y avait bien sûr personne qui était, c'est-à-dire par rapport à moi, il veut dire que moi je suis parmi les personnes qui ont moins récité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti donc vers une assise de ses compagnons et le dire: qu'est-ce qui vous a fait asseoir? Et le dire: nous sommes assis afin de nous rappeler d'Allah, nous le louons de ce qui nous a, car il nous a guidés à l'islam, il nous a guidés vers l'islam, et aussi nous a graciés, c'est-à-dire par ton bienfait, par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit: par Allah, c'est ça qui vous a fait asseoir? Donc vous êtes assis que pour cela? Et il dit: par Allah, nous nous sommes assis que pour cela. Et il dit: alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répond: je ne vous ai pas fait jurer par doute de vous-même. Mais Jibril alayhi salam est venu me prévenir, il est venu m'annoncer qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous vante auprès des anges. Fahaula'i kanu qad jalasu yahmaduna Allah bi dhikri wa awsafihi wal ala'ihi wa yuthnuna 'alayhi bi dhalika wa yadhkuruna husna al-islam wa ya'tarifuna lillahi bi fadli wal 'azim. Donc ces gens, les compagnons, se sont assis afin de louer Allah subhanahu wa ta'ala en évoquant ses attributs, ses signes. Donc ils le louent et ils se souviennent et rappellent et parlent du bon islam. Ils reconnaissent qu'Allah a la grâce envers eux, la grâce qui est énorme et illustre. Le fait qu'il les a guidés et les a graciés par, bien sûr, c'est-à-dire par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wahada ashrafu ilmin ala l'itlaq. C'est donc la meilleure science, sans doute, hein, sans équivoque. Wala yu'na bihi illa rasikhuna fil ilm. Et ne prête attention totalement de cette science que ceux qui sont ancrés dans la science, les savants. Fa innahu yatadammanu ma'rifatallahi wa sifatihi wa af'alihi wa dinihi wa rasulihi. Car cette science comprend et comporte la connaissance d'Allah, ses attributs, ses actes, sa religion et son prophète. Donc regardez, le fait de connaître Allah, hein, ses actes, donc ses attributs, ses noms et attributs, ses actes, ce qu'il fait, donc on rentre dans Tawhid al-Rububiyya, sa religion, donc tout ce qui est halal et haram, et son prophète. Le fait de connaître bien sûr le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc awsafuhu, les attributs du prophète, sa vie, et comment il était, donc sa vie, son comportement et tout. Et aimer cela, et honorer cela, et aussi être heureux de cela. Hein? Donc, ça fait plaisir d'entendre justement cet islam. Les gens sont contents d'avoir reçu une nouvelle science de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela, des gens, donc, bien séant, et pour les compagnons, c'est-à-dire pour les personnes qui possèdent justement cette science, que les uns, du fait que regardez les anges, les vantent auprès des anges. Hein, que Allah, donc qu'ils seront, que les savants seront cités, loués, vantés auprès des anges. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم رجل الذي كان يحب سورة الإخلاص. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a fait la bonne annonce pour la personne qui aimait سورة الإخلاص. وقال أحبها لأنها صفة الرحمن عز وجل. Je l'aime car elle est l'attribut du miséricordieux عز وجل. قال حبك إياها أدخلك الجنة. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, ton amour pour cette sourate t'a fait entrer au paradis. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé d'un attribut. Donc il parle des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, d'une sourate qui vaut beaucoup. Sourate Ikhlas. Il a répété tout le temps, il a récité tout le temps. Lorsqu'on dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande pourquoi tu récites cette sourate. Il dit parce que je l'aime, parce qu'elle est l'attribut du miséricordieux azza wa jal. Il lui a dit cette science, hein, le fait que tu sais ce que comprend et comporte cette sourate qui est chère. Hein, qui, en plus, qui est donc le tiers du Coran, donc il vaut au tiers du Coran. Regardez, le fait d'apprendre les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala fait entrer la personne au paradis parce qu'il va aimer Allah et Allah va t'aimer, va te faire entrer au paradis par rapport à cela. Et justement, le fait de connaître les noms et attributs d'Allah, c'est la meilleure façon de rentrer au paradis. C'est justement la première science afin que la personne puisse entrer au paradis et afin que la personne puisse aimer Allah et être aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi lafdin akhar akhbiruhu. أخبروه أن الله يحبه. Donc prévenez-le ou annoncez-le qu'Allah l'aime. فضل أن على أن من أحب صفات الله أحبه الله وأدخله الجنة. Hein, le fait que من أحب صفات الله صفات الله أحبه الله وأدخله الجنة. Donc cela est une preuve que celui qui aime les attributs d'Allah, Allah l'aime et le fait entrer au paradis. On ne va pas aimer les attributs d'Allah que si on va apprendre. Donc cette science-là. Wal Jahmiya wa amthalihim taban. Ashadu an-nasi nafratan wa tanfiran an sifatihi wa nu'uti kamalihi. Al Jahmiya, ce qui renie les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al Jahmiya, on les appelle comme ça parce qu'ils reviennent Al Jahm. Ibn Safwan, même si c'est pas lui qui a amené ces idées au départ. Mais c'est lui qui a propagé, donc le fait que ça a été surtout plus propagé par lui que par ceux qui sont venus avant lui, Jahd, Ibn Dirham, et ceux qui sont venus avant lui. Donc il y a la silsila qu'on appelle Khashabiyya, donc les quatre personnes qui ont, donc c'est-à-dire du prof à élève, qui revient à celui qui a ensorcelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces gens-là, donc quand on voit Al-Jahmiyya, donc ce sont les gens qui s'éloignent et qui se sauvent le plus des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. يعاقبون ويظلمون من يذكرها ويقرأها ويجمعها ويعتني بها. Donc ils vont critiquer, hein, donc ils vont critiquer et réprimander ceux qui vont se rappeler des attributs d'Allah, ceux qui vont les lire, ceux qui vont rassembler, c'est-à-dire hein, tous les noms attributs d'Allah et qui vont bien sûr y prêter attention. ولهذا لهم المقت والذم عند الأئمة وعلى لسان كل عالم من علماء الإسلام. C'est pour ça que ces gens-là ont donc cette haine. Elle marque, donc c'est la haine qui est la plus profonde. Kabul al-maqt, al-maqt, c'est tout ce qui est détestable, mais c'est le plus haut degré de ce qui est détestable. والذم, donc la réprimande auprès des imams et bien sûr auprès de la langue de tous savants de l'islam, tous les savants de l'islam. Les gens de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, les gens qu'ils détestent le plus, bien sûr, donc c'est ceux qui renient et les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que lorsque ces gens-là venaient à mourir, donc on disait « Halaka yawma yafahul mu'minun » ils périssent le jour où les croyants sont contents. Les croyants sont contents de leur mort. Et on sait qu'ils ont été égorgés, voire même le jour de l'Aïd. Hein, le jour de l'Aïd, ils ont été, bien sûr, égorgés, donc l'imam l'a égorgé devant tout le monde afin de montrer que justement cette personne, hein, avec les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne rigole pas. والله تعالى أشد بغضا ومقتا لهم جزاء وفاقا. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc bien sûr, les déteste le plus. Et ils auront, bien sûr, la récompense qu'ils méritent. Donc ils sont, voilà, c'est la récompense de ce qu'ils font. Ils méritent cela. Al-Wajh, Al-Hadi wal-Khamsoun, Al-Basiratu wal-Ilmu wal-Ittiba'. Le 51e point, c'est la clairvoyance et la science et le suivi. Anna afdala manazil al-Khalqi inda Allahi manzilatu risalati wal-Nubuwa. Certes, le niveau ou le degré le plus illustre auprès de, c'est-à-dire vis-à-vis du Khalq, donc par rapport à la créature, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est justement al-Risala, donc la révélation, et al-Nubuwa. Al-Risala, donc le message, et al-Nubuwa. Donc, le fait donc l'envoyer, le fait d'être envoyé. Fa Allah yastafi min al-Mala'ika rusulan wa min al-Nas. Certes, Allah choisit parmi les anges des envoyés et aussi parmi les hommes. Donc parmi les anges, Jibril, Michael, donc ils ont des rôles qui sont bien importants. Donc on connaît, enfin, Jibril a justement ce rôle. Hein, le fait qu'il va, c'est lui qui descend, bi'iznillah, la révélation. Donc c'est lui qui s'occupe de cela. Et parmi les hommes, donc, les prophètes et les envoyés. Wa kayfa la yakunu afdal al-khalqi 'inda Allahi man ja'alahum wasa'ita baynahu wa bayna 'ibadihi fi tablighi risalatihi wa ta'rifi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa sifatihi wa ahkamihi wa maradihi wa masakhatihi wa thawabihi wa 'iqabihi. Alors comment Allah ne ferait pas donc des meilleures personnes ceux qu'il a placés comme intermédiaires entre eux et ses serviteurs afin bien sûr de propager donc ces messages, afin de le faire connaître, afin de connaître ses noms, ses actes, ses attributs, ses statuts, ce qu'il aime, hein, tout ce que Allah aime et agrée, tout ce que Allah déteste, et aussi ses récompenses et ses châtiments. وَخَصَّهُمْ بِوَحِيهِ. Et aussi il les a spécifiés, il les a choisis pour sa révélation. وَخَصَّهُمْ بِتَفْدِيلِهِ. Et les a choisis aussi, bien sûr, par donc dans le fait qu'il les préfère. وَالْتَضَاهُمْ لِرِسَالَتِهِ إِلَى عِبَادِهِ. Et les a choisis et agréés de eux, afin qu'ils soient, bien sûr, annonciateurs donc de son message envers ses serviteurs. وَجَعَلَهُمْ أَسْكَ الْعَالَمِينَ نُفُوسًا. Et a fait de eux, donc, des nefs, hein, des âmes les plus pures. Les prophètes sont les âmes qui sont les plus pures. وَأَشْرَفَهُمْ أَخْلَاقًا. Et ceux qui ont les comportements les plus nobles. Wa akmalahum uluman wa a'mala. Et ceux qui ont les sciences et les œuvres les plus complètes. Ceux qui ont les sciences et les œuvres les plus complètes. Wa ahsanahum khilqatan. Et aussi ceux qui ont, donc, c'est-à-dire le comportement qui est, donc c'est pas le comportement afouane, donc ceux qui sont qui ont en vérité, c'est-à-dire la beauté, hein, ceux qui ont justement donc cette beauté physique qui est celle qui est la plus belle, donc ceux qui sont les plus beaux. Wa azamahum mahabbatan wa qabulan fi qulubin nas. Et ce sont aussi ceux dont les gens vont plus accepter et plus aimer. L'humain, lorsque les envoyés sont venus, leur peuple les ont plus aimés. Alors imaginez-vous un peu les compagnons de tous les envoyés. Ils ont plus préféré, ils ont plus aimé. Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, préféraient le prophète à leur mère, à leur père, à leurs enfants. Et ils ont été aussi exempts de tout, c'est-à-dire de tout défaut, hein, de toute chose qui pouvait permettre aux gens de les critiquer. Et on a vu cela, même voir par rapport déjà à l'héritage, même par rapport à leurs enfants. Wa kulli khuluqin dani'in. Et tout comportement bas. Ils sont exempts de tout comportement bas. Wa ja'ala ashrafa maratibin nasi ba'dahum martabata khilafatihim wa niyabatihim fi umamihim. Et aussi, donc Allah subhanahu wa ta'ala a placé donc les meilleurs et les plus illustres étapes, degrés des gens, après cela, donc, le degré de ceux qui les ont succédés, de ceux qui ont été leurs successeurs dans les communautés. C'est-à-dire, bien sûr, donc, les ulama, ceux qui ont été leurs successeurs, ceux qui connaissaient mieux la religion. فَإِنَّهُمْ يَخْلِفُونَهُمْ عَلَى مَنَاهِجِهِمْ وَطَرِيقِهِمْ. Car ils les succèdent dans leur voie, ils leur succèdent dans leur comportement et dans leur voix, dans leur façon de faire. Min nasihatihim lil umma, car ces savants conseillent. Hein, ils vont prodiger le bon conseil envers leur communauté. Wa irshadihim ad-dall, et ils vont aussi guider, montrer la bonne voie à ceux qui sont égarés. Wa ta'limihim al-jahil, et ils vont enseigner à l'ignorant. Wa nasrihim al-mazlum, et ils vont aussi donc faire prévaloir, c'est-à-dire faire prévaloir celui qui est injuste. Celui qui est injuste aura sa part. Celui qui est injuste, les savants ne vont pas les laisser injustes. Comme le dit Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, lorsqu'il dit Da'if, qawiyun indi hatta yakhudha haqqahu. Da'if, le faible est fort auprès de moi, jusqu'à ce qu'il récupère son bien. Imaginez-vous quelqu'un qui viendra prendre le bien de quelqu'un, injustement. Donc ce quelqu'un auprès d'Abu Bakr Siddiq, ce faible, est devenu fort, jusqu'à ce qu'il récupère son bien. Donc parce qu'il va faire justement Nusrat al-Mazloum. Et ça, c'est une preuve comme quoi les gens doivent faire attention. Parce que Hukukun Nes, c'est trop important. Donc les biens des gens, leur honneur, leur argent, leur rird, toutes ces choses-là sont importantes auprès des gens. Il ne faut pas tomber. Et ça, en plus, lorsqu'il y a justement cette animosité et ce genre de problème entre les gens, c'est parmi les façons les plus faciles de diviser justement de quoi à ce que la communauté se divise. Tel va pas aimer tel, tel va pas aimer tel, jusqu'à ce que les gens soient divisés facilement. Et donc, je les prends justement dans la main. Donc, le fait de prendre, ils prennent la main de celui qui est injuste. Et ils les prennent par la main, ils leur ordonnent le bien, ils leur recommandent le bien, ils leur ordonnent de faire ce bien, ils leur interdisent le mal et de délaisser ce mal. وَالدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ بِالْحِكْمَةِ لِلْمُسْتَجِبِينَ. Donc là, on va rentrer dans les trois catégories de personnes qu'il y a dans la da'wah. On va retrouver dans cette parole-là trois catégories de personnes par rapport au verset lorsqu'Allah, justement, demande d'appeler. Donc il dit da'wati ila ilallah bilhikma. Udru ilallah bilhikma. Pour qui? Pour ceux qui acceptent les mustajibin. Parce que les gens sont divisés, les gens n'ont pas le même degré, les gens sont différents. Donc il y a des gens qui acceptent tout de suite. Donc cela suffit pour dire udru ilallah ala basiratin yani bilhikmati, bilhikma. Le hikma, la sagesse suffit. Pour ceux qui répondent. Walmu'idatil hasanati lilmu'ridin walghafilin. Et il faut donc l'exhortation qui est bonne, avec la bonne exhortation. Donc là, on rentre dans la deuxième catégorie de personnes. Pour ceux qui vont peut-être reculer, qui vont refuser, et ceux qui sont aussi des fois insouciants. Waljidali billati hiya ahsan. Et donc la discussion, mais de la meilleure façon. Avec bien sûr, séance. L'ilmu'anidin, al-mu'aridin, ceux qui rejettent vraiment, c'est-à-dire totalement, et qui vont rejeter. Il y a des gens, maintenant, dans les premiers, ils acceptent tout de suite. Les deuxièmes, donc on peut retrouver des fois, ils disent, ouais, mais pourquoi ceci, pourquoi cela? Maintenant, ils ont besoin, j'accepte, mais j'ai encore plus besoin de quoi? Que tu me convainques, que tu sois justement convaincant dans ce que tu dis, dans ceci, cela. Je sais, d'accord, mais pourquoi on entend ceci, pourquoi on entend cela? Pourquoi actuellement on voit qu'il y a des musulmans qui font ceci, qui font cela? Pourquoi tel verse, ceci, cela? Donc ils ont des demandes. Et là, à ce moment-là, on va venir avec la mouida qui est hasana. Et après, si les personnes rejettent, et qui sont des fois plus dures, à ce moment-là, il faut encore une fois al-jidel, la discussion billati hiya hasan, de la meilleure façon. فهذا حال أتباع المرسلين ورثة النبيين. Et ça, c'est bien sûr donc la situation de ceux qui suivent les envoyés et les héritiers des prophètes, c'est-à-dire les savants. فقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Surat Yusuf, verset 108. Dis, ceci est ma voix, j'appelle à Allah avec clairvoyance, c'est-à-dire moi et ceux qui me suivent. C'est-à-dire ceux qui vont suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit, Ad'u ila Allah, j'appelle à Allah, j'appelle pas à moi-même, j'appelle pas à mon hizb, j'appelle pas à ma tribu, j'appelle pas à ma région, j'appelle pas à mon groupe, j'appelle pas à mes voisins, j'appelle à Allah. Avec clairvoyance, le Coran et la Sunna, avec la compréhension des plus prédécesseurs, moi et ceux qui me suivent, c'est-à-dire les savants qui vont faire la même chose que je fais, moi, premier exemple là, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui me suivent, c'est-à-dire qu'on a moi seul. Donc on voit que là c'est un singulier. Et ceux qui me suivent, donc tous ceux qui se viennent après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont décidé de quoi? D'enseigner les gens de l'islam, donc ils doivent faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'à ce moment-là, c'est lui le seul exemple. Il est le seul exemple. Sawa'un kana al-ma'na ana wa man ittaba'ani ala basiratin wa ana ad'u ila Allah. Donc le ma'na, il peut dire, on peut comprendre. Donc ça sera à ce moment-là un irtilef qui va être tanawwu'. Il y aura un irtilef qui va être accepté. C'est-à-dire qui va être différent, mais accepté. On peut comprendre cela de telle ou telle façon, mais ces façons-là, elles sont bonnes. On peut comprendre que c'est moi et ceux qui me suivent dans la clairvoyance et j'appelle Allah. Ou le sens peut être aussi, j'appelle Allah avec clairvoyance et les deux paroles, de toute façon, elles sont mutalaziman, elles sont alliées. Elles sont quoi? Liées. فَإِنَّهُ لَا يَكُونَ مِنْ أَتْبَعِهِ حَقًّا إِلَّا مَنْ دَعَى عَلَى بَصِيرَةٍ. Car bien sûr, ceux qui le suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne seront pas véritablement suiveurs que si ils appellent Allah, hein, s'ils appellent, je veux dire à Allah, avec clairvoyance. S'ils appellent, s'ils prêchent avec clairvoyance. كَمَا كَانَ مَتْبُعُهُ يَفْحَلُوا. Comme celui qui le suit, il le fait. C'est-à-dire, le متبوع, celui qui suit, donc ça veut dire qu'il fait la même chose. Ça veut dire quoi, متبوع? Hein, celui qui, le mot déjà, le mot veut montrer déjà que normalement c'est celui qui fait la même chose. Il suit, donc il suit la même chose. Ce sont eux véritablement les successeurs des envoyés. Ce sont eux leurs héritiers, eux seuls. Il n'y aura pas d'autres personnes. وهم أولو العلم الذين قاموا بما جاء به علما وعملا وهداية وإرشادا وصبرا وجهادا فهؤلاء هم الصديقون أو صديقون نعم صديقون وهم أفضل أتباع الأنبياء ورأسهم وإمامهم صديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه. Donc ce sont les khulafa, donc les successeurs des prophètes en toute vérité. Ce sont eux les gens de science, ceux qui œuvrent et ceux qui mettent vraiment en application ce qui a été descendu, hein, donc ce qui est venu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par science, acte, guidé dans le fait de montrer le bon chemin, la patience, les efforts, et ce sont là eux les véritables véridiques, ce sont eux les véridiques, et ce sont eux les meilleurs suiveurs des envoyés, et leur chef, hein, donc le chef de tous ces savants, et leur imam, c'est le Siddiq al-Akbar, donc Abu Bakr al-Siddiq, par rapport bien sûr au successeur. Le chef des successeurs, c'est le premier, c'est Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu. C'est pour ça qu'on l'appelle l'imam al-Akbar. Bien sûr, si on parlait le premier imam, sans parler des successeurs, parce que là on parle des successeurs dans les savants, c'est Abu Bakr. Mais si on parlait de l'imam par excellence, bien sûr, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais là on parle par rapport aux successeurs. L'imam des successeurs, c'est Abu Bakr al-Siddiq. فقال تعالى كذلك ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما سورة النساء verset 69. فذكر مراتب السعداء وهي أربعة وبدأ بأعلاهم مرتبة ثم الذين يلونهم إلى آخر المراتب فهؤلاء الأربعة هم أهل الجنة الذين هم أهلها. Et puis, donc il dit subhanahu wa ta'ala dans Surat An-Nisa verset 69, donc celui qui obéit à Allah, et en ce moment, voyez, ce sont eux qui ont reçu la grâce d'Allah parmi donc les prophètes, parmi les envoyés, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs, les pieux et les vertueux, quels bons compagnons que ceux-là. Et ça en plus c'est le tafsir de Surat al-Ladina an'amta alayhim. Et ça c'est le tafsir du verset qui vient dans Surat al-Fatiha. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala a montré aussi, a énoncé les degrés de ceux qui sont heureux. De ceux qui sont quoi? Heureux. Ils sont donc en nombre de quatre. Il a commencé par les plus hauts, Nabiyin, donc les envoyés, hein, les prophètes, et après Siddiqin, et après Shuhada, et après Salihin. Et un frère m'a dit, à la colline le Marne et les Sahih. Donc je n'ai pas de preuve de l'authenticité de cette parole, mais un frère me dit que lorsqu'on prend ces degrés, on retrouve donc le Nabi, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette décrime, par exemple Abu Bakr Siddiq, Shuhada, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali et Salihin, bien sûr ceux qui viennent encore après, ceux qui sont morts parmi les musulmans qui viennent après. Donc on voit que Hattan retrouve ce degré même parmi les meilleurs des compagnons. On va retrouver ce degré parmi les meilleurs des personnes de l'islam. Et naam, donc le marnel est vrai. Donc ces quatre catégories de personnes sont ceux-là les gens du paradis, hein, qui sont en plus les plus hauts. Ces quatre catégories de personnes sont ceux qui ont les degrés les plus hauts au paradis. Et on demande à Allah qu'il fasse de par sa grâce qu'on fasse partie de ces gens-là. Et le wajhu, al-thani wal-khamsun. 52e point, al-tamyizu bil-ilm. Donc la différence, le fait de pouvoir comparer les choses, c'est par la science. La comparaison des choses va se faire par la science. أن الإنسان إنما يميز على غيره من الحيوانات بفضله بفضيلة العلم والبيان. Certes, l'homme, l'humain en général, va être différencié par autre chose, c'est-à-dire par rapport aux bestiaux, c'est-à-dire aux bêtes, par quoi? Par justement le bienfait et la valeur de la science et le fait de pouvoir expliquer les choses clairement. Il n'y a que l'homme qui a cette capacité. Donc c'est une capacité qui est humaine. D'accord? Les djinns et les humains sont capables de cela. Mais les hayawanet, les animaux, ne sont pas capables de cela. Wa illa faghayruhu min ad-dawab was-shiba aktharu akalan minhu wa aqwa batshan wa aktharu jima'an wa awlada. Et pourtant, les autres, donc les bêtes, les animaux, donc les animaux qu'ils soient sauvages ou pas, mangent plus que nous. Ils mangent plus. Ils sont plus forts. Il y a des animaux qui sont plus forts. Ils sont plus nombreux. Et des fois, ils sont plus nombreux. Dans le sens, ils font beaucoup plus d'enfants. Donc, chaque année, des fois, ou chaque temps, la mère, elle peut avoir plusieurs portées en même temps. Et voir que peut-être certains animaux peuvent vivre plus longtemps. Donc, Allah alam par rapport à cela. Innama. Mouyiza ala dawabi wal hayawanat bi ilmihi wa bayanihi. Mais certes, la différence qui est entre l'homme et les animaux, c'est justement le fait qu'il a de la science, donc il raisonne, il a de la science et aussi il sait expliquer les choses. Fa ida udima al ilmu baqiya ma'ahu al qadru al mushtaraku baynahu wa bayna sa'il al dawab. Si la science venait à disparaître de l'homme, donc il y aurait entre lui et les animaux, donc quoi, une similitude. Il y aurait une association. Le fait qu'ils n'ont pas de science. Donc il y aurait une similitude entre eux. Donc il serait du niveau des animaux. Wahia al-hayawaniya al-mahdha. Donc il serait totalement, donc ça serait quelqu'un de bestial, tout simplement. Falayabqa fihi fadlun alayhim. Donc en ce moment-là, il n'y aurait ni de suprématie envers eux. Belqad yabqa sharran minhum. Et voire même, il y aurait peut-être du mal de ces personnes-là. Comme Allah Ta'ala fait dans le sinfi min al-nas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala cite dans Surat al-Anfal, verset 22. Il cite donc Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Anfal, verset 22. Inna shara dawabi inda Allah al-summu al-bukmu al-ladina la ya'qiloun. Donc les pires des bêtes auprès d'Allah sont en vérité les sourds muets qui ne raisonnent pas. Hey! Donc les Mufassirines disent qu'ils n'ont rien de bon, il n'y a rien, il n'y a même pas un petit endroit ou quelque chose de bon en eux, quelque chose qui va justement accepter le bon, parce que ce sont les pires des animaux. Et s'il y avait en eux quelque chose de bien, quelque chose qui est accepté, donc ils auraient fait qu'ils entendent. Hey, la afhamahum, c'est-à-dire qu'ils auraient compris. La asma'ahum, c'est-à-dire qu'ils entendent le son, il passe, mais simplement ils ne comprennent pas, ils ne raisonnent pas. Donc ils n'ont pas compris. C'est pour ça qu'il dit la asma'ahum. Fassam'u hauna samhu fahmin. Donc dans ce verset, le sam'a, l'entente, l'ouïe, cette ouïe, c'est l'ouïe de la compréhension. Ce n'est pas juste le son qui sera propagé. وإلا فسمعوا صوتي حاصل لهم. Sinon, on voit bien qu'ils ont entendu. Ils ont entendu. Mais simplement, c'est qu'un son pour eux. Parce que ce n'est pas entré dans le cœur, ils n'ont pas compris. وَبِهِ قَامَتْ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ. Et par cela, donc les preuves d'Allah, elles ont été bien sûr descendues sur eux. Ils n'ont pas d'échappatoire. Ils ont une hujja qui est contre eux. فَقَالَ تَعَالَى وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Surat al-Anfal, verset 21. Surat al-Anfal, verset 21. Et ne soyez pas comme ceux qui disent nous entendons alors qu'ils n'entendent pas. وَقَالَ تَعَالَى dans Surat al-Baqarah, verset 171. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِكُوا بِمَا لَا يَسْمَعُوا إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً سُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. وسواء كان المعنى مثل الداعي الذين كفروا كمثل الذي ينعك بما لا يسمع من الدواب إلا أصواتا مجردة أو كان المعنى ومثل الذين كفروا حين ينادون كمثل الدواب الذي ينعك بما بها فلا تسمع إلا صوت الدعاء والنداء فالقولان متلازمان بل هما واحد وإن كان التقدير الثاني أقرب إلى اللفظ وأبلغ في المعنى فعلى تقديرين لم يحصل له من الدعوة إلى الصوت الحاصل للأنعام. Donc il dit subhanahu wa ta'ala dans surat al-Baqara verset 171, les mécréants ressemblent à du bétail auquel on crie et qui entend seulement appel et voix confondues, sourd, muet, aveugle, il ne résonne point. Donc si le sens était que celui qui donc appelle, c'est-à-dire celui qui appelle ceux qui ont mécru, et comme celui qui va crier auprès de personnes qui ne comprennent pas, qui n'entendent que des voix. Imaginez-vous le berger, il va appeler ses animaux, il va appeler ses bestiaux. Donc eux, ils entendent. Ils vont entendre peut-être des voix. Même pas le berger, parce que peut-être si le berger, il ferait donc un certain bruit, peut-être qu'ils entendraient, ils comprendraient qu'il faudrait peut-être se déplacer de tel à tel endroit. C'est juste quelqu'un qui fera un bruit, des bestiaux qui entendent un bruit quelconque. Ce ne sont que des bruits, ce ne sont que des sons pour eux. Ou si le sens était, l'exemple de ceux qui ont mécru, lorsqu'on les appelle, lorsqu'on les prévient, sont comme les animaux qui n'entendent, c'est-à-dire qui vont entendre ces voix, et qui n'entendent que, bien sûr, qui entendent aussi que des voix, et les deux, il dit que les deux sont pareils à Kuhes, voire même c'est la même chose. Parce que du Rélamak l'ont expliqué comme ça, mais ils disent que la parole qu'il a la deuxième, c'est celle qui est mieux expliquée, c'est celle qui est le mieux expliquée, elle est plus éloquente. À la Kuhel, le but par rapport à cela, c'est de comprendre que les gens n'entendent qu'un seul son par rapport à ce dont ils ont été appelés. فَهَوْلَاهِ لَمْ يَحْصُلْ لَهُمْ حَقِيقَةُ الْإِنْسَانِيَةِ الَّتِي يُمَيِّزُ بِهَا صَاحِبُهَا عَنْ سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ. Ces gens-là n'ont pas reçu véritablement donc cette humanité, cet humanisme naturel, on va dire, cette nature saine, cette nature plutôt humaine, donc cette nature humaine qui fait qu'en vérité il y a une différence entre eux, justement eux et les autres animaux, parce qu'ils ne répondent pas à l'appel de la vérité. وَالسَّمْعُ يُرَادُ بِهِ إِدْرَاكُ الصَّوْتِ. وَالسَّمْعُ, donc l'ouïe, donc le fait d'entendre, veut dire qu'on a entendu un son, إِدْرَاكُ الصَّوْتِ, donc on reconnaît un son. وَيُرَادُ بِهِ فَهْمُ الْمَعْنَى. Et on peut vouloir dire aussi par cela que ça veut dire comprendre la chose. Tu peux dire à quelqu'un, Isma, écoute. Parce que tu veux qu'il fasse attention, qu'il comprenne la chose. Donc on peut vouloir dire par cela qu'il comprenne فَهْمُ الْمَعْنَى. وَيُرَادُ بِهِ الْقَبُولُ وَالْإِجَابَ. Et on peut vouloir dire aussi par cela l'acceptation et la réponse. Isma, ce que je te dis, Isma, donc tu dis, écoutez. Donc pour que la personne justement va accepter, va aussi répondre. وَثَلَاثَةُ فِي الْقُرْآنِ. Et les trois, on les retrouve dans le Coran. Les trois mots sam', on va les retrouver dans le Coran par rapport à ces trois sens. Ces trois sens, on va les retrouver dans le Coran. Et donc la première, c'est dans Al-Mujadala, verset 1. Al-Mujadala, verset 1. قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِكَ وَتَشْتَكِ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِعٌ بَصِيرٌ. Surat Al-Mujadala, verset 1. وَهَذَا أَصْرَحُ مَا يَكُونُ فِي إِثْبَاتِ صِفَةِ السَّمْعِ. Et ça, c'est le verset le plus évident pour prouver qu'Allah entend. Ça, c'est le verset le plus évident. ذَكَرَ الْمَاضِي وَالْمُدَارِعَ وَاسْمَ الْفَاعِلِ. Hein, donc, Allah aussi, subhanahu wa ta'ala, donc, il rappelle quoi? Le passé, le présent, et ismu fa'il. Comme quoi il entend, hein, Samir. Comme quoi, justement, il entend. Donc, le fait qu'il entend. Donc, il dit Samira, yasma'u wa huwa Samir, wa lahu sama. Donc, il entend. À partir du moment qu'il est Samir, ça veut dire qu'il y a dolo, hein, à des sifat, à dolo à l'ism. Hein, ou bien à l'ism, à dolo à la sifat, kadalik. Donc, كما قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي واسع سمعه الأصوات عائشة رضي الله عنها dit louange à Allah celui dont toutes les qui l'entend bien sûr tous les sons celui qui entend tous les sons donc Mujadala Allah il dit Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux et se peignait à Allah et Allah entendait votre conversation car Allah est audient et clairvoyant. Donc Allah a bien entendu le passé. Donc il a bien entendu, il l'entendait et aussi il est l'audient. Donc Allah, trois fois, il parle de cela. Donc il met le mardi, hein, donc il a mis le mardi, et après Yasma, donc Yasma, c'est-à-dire qu'il y a le présent, et Samir. Il y a aussi, donc justement ici, le fait qu'Allah entende. Et Aïcha, donc elle dit, bien sûr, Alhamdulillah, elle a dit, Wasi'a, Samahul Aswat. Laqad ja'at al-mujalata. المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في جانب البيت. Donc regardez l'histoire. Aïcha elle dit que certes cette personne qui discutait donc les mujadala elle est venue se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam et moi j'étais sur le côté de la maison. وَإِنَّهُ لَا يَخْفَ عَلَيَّ بَعْدُ كَلَامِهِ et certaines de ses paroles m'ont été donc je ne les ai pas entendues hein, m'ont échappé certaines de ses paroles parce qu'elle avait pas. Elle était pas loin, elle était à côté, sur le coin, hein, donc au bord de la maison, mais elle n'entendait pas tout, elle n'entendait que quelques brides de cette conversation. Fa'anzalallah, et après Allah a descendu ce verset. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha, al-mujadala. Donc non seulement Allah, il sait, donc on voit, qu'Allah en plus il connaît bien la situation. Il, non seulement il entend, il voit, hein, il sait bien qu'il y a même à côté quelqu'un qui entend et qui n'a même pas tout entendu. Donc la science d'Allah, elle englobe toute chose. La science d'Allah, elle englobe bien sûr toute chose. Donc là, on retrouve encore une fois aussi le ilm, la science d'Allah. Thani, deuxièmement, samul fahm, la compréhension, c'est-à-dire l'ouïe ou l'écoute par la compréhension, avec compréhension. Qawlihi, walau alima Allahu fihim khaira la asma'ahum. Allah dit subhanahu wa ta'ala, par la suite, donc sur le Anfal, verset 23, par la suite de ce qu'on avait vu auparavant, donc verset 23, si Allah savait qu'il y avait du bien en eux, hein, il les aurait fait entendre. Il les aurait fait entendre, c'est-à-dire il les aurait fait comprendre dans le tafsir, l'anfal. Et la afhamahum, il leur aurait fait comprendre. Walau asma'ahum, la tawallahu wa hum mu'ridun. La tawallahu wa hum mu'ridun. S'il les avait fait entendre, donc ils se seraient retournés, ils auraient quoi refusé. Il y aurait bien sûr, donc ils se seraient ils auraient refusé tout cela, ils auraient été en fin de compte ceux qui ne veulent pas. Soit Anfal toujours verset 23. Donc il dit si Allah avait reconnu en eux quelques biens, il aurait fait qu'ils entendent. Mais même s'il les faisait entendre, ils tourneraient sûrement le dos en s'éloignant. Lima fi qulubihim min al-kibri wal-i'radi an qabul al-haqqi fa fihim afatan. Afatan. Pourquoi? Car ces gens ont et possèdent dans leur cœur l'orgueil, donc le fait l'i'rad, c'est-à-dire le fait qu'ils refusent, ils se détournent. Ils refusent et se détournent de l'acceptation de la vérité. Et on retrouve donc deux défauts chez eux. On va retrouver chez eux deux défauts. Ihdahuma, annahum la yafhamun al-haqqa li jahlihim. Premièrement, car elles ne comprennent pas la vérité à cause de leur ignorance. Walau fahimuhu la tawallahu anhu wa hum mu'riduna anhu li kibrihim. Et ces gens-là, même s'ils avaient compris, ils se seraient quand même détournés, car ils se seraient détournés de cela par quoi? Par orgueil. Par orgueil. Et ça, donc, c'est justement le summum de quoi? Hein, de l'amoindrissement et des défauts. Il y a pas, donc, c'est les plus gros défauts qui puissent exister. Le fait d'être orgueilleux, hein, le fait justement de se détourner par orgueil. Tu comprends, mais tu te détournes parce que tu es un orgueilleux. Donc là, on a l'ignorance et on a l'orgueil. On a l'ignorance, ils sont ignorants par rapport au premier défaut, ils sont orgueilleux par rapport, hein, au deuxième défaut. Donc, Et la troisième catégorie de personnes par rapport à la troisième catégorie ou le troisième point sur le fait d'entendre, c'est Thalithu Samul Kabuli wal Ijaba. Donc celui qui écoute et qui accepte et qui répond. Donc lui, hein, ou bien donc l'écoute de l'acceptation et aussi de la réponse. Qu'Allah Ta'ala law kharaju fikum ma zadukum illa khabara ولعوده خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم سورة التوبة verset 47 سورة التوبة verset 47 donc il dit subhanahu wa ta'ala et s'ils étaient sortis avec vous ils n'auraient fait accroître votre trouble et jeter la dissension dans vos rangs cherchant à créer la discorde entre vous il y a parmi eux donc il y a parmi vous qui les écoutent Allah connaît les injustes أي قابلون مستجيبون ومنه قوله تعالى سماعون للكذب سورة المائدة verset 41 donc par rapport à ce verset ça qui veut dire que le fait d'accepter et répondre ils acceptent et ils répondent et aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit سماعون للكذب ils écoutent beaucoup سماعون c'est à dire qu'ils les écoutent en acceptant et en répondant aux mensonges سورة المائدة verset 41 أي قابلون له مستجيبون لأهله donc ils répondent. Ils acceptent cette parole et répondent à qui ? Aux gens de cette parole, à ceux qui ont proposé ces paroles-là, ce mensonge. وَمِنْهُ قَوْلُ الْمُصَلِّي سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدًا Et regardez toujours par rapport au sam'a, celui qui prie, qu'est-ce qu'il dit ? سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدًا Il a accepté hein, et il a répondu. Il a accepté et il a répondu. أَيْ أَجَبَ اللَّهُ حَمْدًا مَنْ حَمِدًا C'est-à-dire Allah a quoi ? A répondu. Allah donc Allah a exaucé, donc c'est le fait qu'Allah il exauce la louange de celui qui le loue, wa du'a man da'ahu, et l'invocation de celui qui l'a évoqué. Wa qawlu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam idha qala al-imam sami'a Allahu liman hamida faqulu rabbana wa lakal hamd yasma'u Allahu lakum ay yujibukum. Et aussi par rapport à cela la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, le hadith de Abu Musa al-Ash'ari. Donc lorsque l'imam dit Allah entend celui qui le loue, dites Rabbana wa lakal hamd, hein, notre Seigneur, la louange est en toi, notre Seigneur, la louange est à toi. Donc Allah vous entend, c'est-à-dire il vous répond, c'est-à-dire il vous exauce. Wal maqsoud anna al-insana idha lam yakun lahu ilmun bima yuslihuhu fi ma'ashihi wa ma'adihi kana al-hayawanu البهيم خيرا منه لسلامته من في الميعاد مما يهلكه دون الإنسان الجاهل. Et le vouloir dire de cela, c'est que la personne, si elle n'a pas de science qui va être suffisante pour l'arranger dans la vie d'ici-bas, hein, de faire de lui quelqu'un de bien dans la vie d'ici-bas et aussi dans l'au-delà, là où il va bien sûr, c'est-à-dire il va se retrouver en face. Donc il y aura le mawid, il y aura en ce moment-là le rendez-vous entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, donc sera comme l'animal. Il n'aura pas, bien sûr, de bien. Et cela est meilleur pour lui, si la personne s'y apprend, plutôt que de s'égarer comme, ou de périr comme périt, justement, l'ignorant. El Wajj, le Thalith wal Khamsoun, 53e point. El Ilmu, Hakimun ala Masiwa. Donc la science juge au-dessus de tout, hein, sera bien sûr la juge, sera celle qui est, c'est elle qui est juge et celle qui va prédominer au-dessus de tout. An al-ilma hakimun ala ma siwa wa la yahkumu alayhi shay'un. Donc c'est la science qui juge sur tout. Il y a rien qui va juger au-dessus de la science, hein, du ilm. Il y a rien qui va être au-dessus de la science. Fa kullu shay'in يختلف في وجوده وعدمه وصحته وفساده ومنفعته ومضرته رجحانه ونقصانه وكماله وكماله ونقصه ومدحه وذمه ومرتبته في الخير ووجدانه ووردائه وقربه وبعده وإفضائه إلى المطلوب إلى مطلوب كذا وعدم إفضائه وحصول المقصود به وعدم حصوله إلى سائر الجهات المعلومات فإن العلم حاكم على ذلك كله، فإذا حكم العلم انقطع النزاع ووجب الاتباع، وهو الحاكم على الممالك والسياسات والأموال والأقلام، فملك لا يتأيد بعلم لا يقوم، وسيف بلا علم مخراق لاعب، وقلم بلا علم حركة عابث، والعلم مسلط حاكم على ذلك كله، ولا يحكم شيء من ذلك على العلم. Donc la science c'est celle qui va être au-dessus de tout. Donc si les gens sont divisés, donc sera au-dessus de toute chose. Et si toute chose, s'il y avait une divergence dans certaines choses, dans le fait que ça existe, cela, c'est-à-dire par rapport à une chose qui devrait exister, quelque chose qui ne devrait pas exister, quelque chose qui serait bien, quelque chose qui serait vain, quelque chose qui serait profitable, quelque chose qui ferait du tort, quelque chose qui causerait du tort. Hein? Donc le fait que cette chose est peut-être meilleure, ou quelque chose qui serait peut-être, donc le contraire, ça serait peut-être moins meilleur, ou quelque chose qui serait complète, ou quelque chose qui serait amoindri, quelque chose qui va être loué, quelque chose qui va être réprimandé, les degrés du bien, donc le fait que, donc, mais aussi le fait que la chose existe dans le sens, elle existe, ou bien, c'est-à-dire même le mal, son approche, donc c'est toujours la même chose, après le dimanche, des fois c'est juste des mots par mot, et des fois on a besoin d'explications qui sont bien sûr plus profondes. Hein, le fait des choses qui sont proches, c'est-à-dire la vérité, ou des choses qui sont loin, donc tout cela, ou des choses qu'on devrait faire ou des choses qu'on ne devrait pas faire, hein, tout cela, justement, revient à quoi? Donc toutes ces choses-là, donc c'est la science qui va, et bien sûr, être prédominante. C'est avec la science qu'on devra juger de tout ce qui peut exister, en fin de compte, hein, pour être plus simple, sur la Terre. Et si la science juge, à ce moment-là, donc si la science a tranché sur un sujet, en ce moment-là, on est obligé de ne pas se disputer, et de revenir et de suivre, d'accepter, hein, obligatoirement, et de quoi? Et de suivre. Car il est le juge, donc sur les royautés, sur les politiques, donc sur toutes les choses de la vie, quoi, sur les biens, sur les stylos, sur les plumes, et bien sûr, donc une royauté qui n'a pas cela, donc elle n'aura pas été levée véritablement. Une épée qui n'a pas cela, donc coupe, hein, sans, c'est-à-dire c'est une épée qui n'est pas, donc c'est comme si elle jouait, donc c'est pas une épée qui est véridique. Une plume qui n'a pas cette science, donc ce sont justement donc des gestes qui sont vains, qui ne servent à rien, car la science prédomine et juge au-dessus de tout cela, et rien ne va juger au-dessus de cette science. وقد اختلف في تفضيل مداد العلماء على دم الشهداء وعكسه وذكر لكل قول وجوه من تراجح والأدلة والنفس هذا النزاع دليل على تفضيل العلم ومرتبته فإن الحاكم في هذه المسألة هو العلم فبه وإليه وعنده يقع تحاكم وتخاصم والمفضل منهما من حكم له بالفضل فإن قيل كيف يقبل الحكمة لنفسه قيل وهذا أيضا دليل على تفضيله وعلو مرتبته وشرفه فإن الحاكم إنما لم يسخ أن يحكم لنفسه لأجل مظنه التهمة والعلم لا يلحق تلحقه ولا تلحقه تهمة في حكمه لنفسه فإنه إذا حكم بما تشهد العقول والنظر بصحته وتتلقاه بالقبول ويستحيل حكمه لتهمة فإنه إذا حكم بها انعزل عن مرتبته وانحط عن درجته فهو الشاهد المزكي المعدل والحاكم الذي لا يجوز ولا يعزل فإن قيل فماذا حكمه في هذه المسألة التي ذكرتموها قيل هذه المسألة مسألة كثر فيها الجدال واتسع المجال وأدل كل منهما بحجته واستعلى بمرتبته التي يفصل النزاع ويعيد المسألة إلى مواقع الإجماع الكلام في أنواع مراتب الكمال وذكر الأفضل منها والنظر إلى في أي هذين الأمرين أولى به وأقرب إليه فهذه أصول ثلاثة تبين الصواب ويقع بها فصل الخطاب. Donc là, on entre en vérité dans des bases hein, du sulfiq qui deviennent, à ce moment-là déjà même en arabe, compliquées et difficiles. D'accord ? On passe, donc le fait qu'elles soient compliquées et difficiles, donc Inch'Allah, je vais les passer. Donc je vais les passer afin de ne pas le, venir on va dire, m'emmêler les pinceaux du fait que ce soit difficile de traduire cela. Et on va, je risque de quoi ? De faire que les gens ne vont pas comprendre et je serai en fait fautif d'une mauvaise compréhension de part des personnes. Donc je vais passer par rapport à cela. Donc al-wajhu rabihu al-khamsun al-imanu bima yakun illa bil-ilm. Al-imanu la yakunu illa bil-ilm. La science n'est donc n'existera que par la foi. La foi n'existera que par la science. La foi ne sera présente que par la science. Anna an-nusus an-nubuwwah qad tawatarat bi anna afdal a'mali imanu billahi fa huwa ra's al-amri wal a'mal ba'dahu 'ala maratibiha wa manaziliha. Certes, les textes prophétiques sont nombreux pour montrer que les actes, que le meilleur acte, que le meilleur des actes, c'est la croyance en Allah. Et c'est sa tête, hein, donc c'est son cerveau, c'est la tête de toute chose, c'est l'origine de toute chose. Et les actes qui viennent après ont bien sûr des degrés différents. Wal imanu lahu ruknan. La foi comporte deux piliers. Ahaduhuma ma'rifatu ma ja'a bihi rasulu wal 'ilmu bihi. Premièrement, la connaissance avec de ce dont est venu avec le prophète. Et aussi la connaissance et la science de ce dont est venu le prophète. Wathani tasdiquhu bil qawli wal 'amal. Donc le fait de l'annoncer comme véridique par la parole et l'acte. Watasdiqhu bidun al 'ilm wal ma'rifati muhal. Et le fait de reconnaître ça comme véridique sans science et connaissance, c'est impossible. On ne peut pas dire que le prophète est véridique que si on a, si on a la preuve qu'il est véridique. Donc il faut une preuve. Et c'est cette science. فَإِنَّهُ فَرْعُنْ عِلْمِي بِشَئِنْ الْمُصَدِّقْ بِهِ. Car le fait de reconnaître que le prophète est véridique, c'est justement le soubassement, c'est ce qui va découler de justement d'une chose qu'on a reconnue comme véridique. فَإِذَنْ الْعِلْمُ مِنَ الْإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرُّوحِ مِنَ الْجَسَدِ. Donc, la science par rapport à la foi et au niveau de l'âme par rapport au corps. La science, c'est l'âme, en fin de compte, de la foi. La science, c'est quoi? C'est l'âme de la foi. Comme l'âme, hein, c'est donc la, comme justement l'âme, c'est l'âme du corps. Voilà, taqoum, shajaratul iman illa ala saqil ilmi wal ma'rifa. Et l'arbre, hein, donc cet arbre de foi, cet arbre qui est la foi, ne va pas être, ne va pas pousser, on va pas, la, on va pas justement donc l'arroser cet arbre. Hein, que par la science et la connaissance. فَالْعِلْمُ إِذَنْ أَجَلُ الْمَطَالِبُ وَأَسْنَ الْمَوَاهِبُ. Donc la science, c'est ce qui est le plus demandé. C'est la demande qui est bien sûr la plus illustre et c'est aussi celle qui est donc qui est c'est la meilleure chose que l'on puisse recevoir. الْوَجْهُ الْخَامِسُ وَالْخَمْسُونَ. 55e point. صِفَةُ الْكَمَالِ رَاجِعَةٌ إِلَى الْعِلْمِ. Les attributs hein, de ce qui est complet reviennent à la science. Reviennent à la science. أن صفات الكمال كلها ترجع إلى العلم والقدرة والإرادة والإرادة فرع العلم. Donc certes, les attributs de la complète, toutes reviennent à la science et à la qudra, donc la capacité, hein, donc la capacité et l'envie. C'est ça la science. C'est de donc toute chose qui va être, qui aura de la science, qui aura la capacité et qui aura de l'envie, hein, donc elle sera, plus la personne aura ça, plus la personne sera complète. وَالْإِرَادَةُ فَرْعُ الْعِلْمِ. Et la volonté, donc, c'est quelque chose qui découle de la science. Donc, c'est un soubassement de la science. فَإِنَّهَا تَسْتَلْزِمُ الشُّعُورَ بِالْمُرَادِ. Car, cette irada, cette volonté, cette, ce vouloir, donc, va quoi? Va justement faire que la personne va ressentir, hein, justement. Car cette science, c'est quoi? Non, c'est cette science qui est, qui fait que si la personne a eu de la science, c'est parce qu'on le sait qu'apparemment, elle a eu quoi? Elle a eu justement la volonté. On va savoir qu'automatiquement que cette personne, elle n'a pas eu cette science que parce qu'elle a voulu apprendre. Hein, elle a peut-être traversé des contrées, elle a resté, elle a patienté, elle s'est assise, elle s'est, hein, elle a donc passé des années patienté et tout ça, c'est le résultat d'une volonté, d'une irada. Donc on sait automatiquement que cette personne avait la volonté afin d'arriver à ce niveau de science. Fahia muftakiratun ila al-ilmi fi zatiha wa haqiqatiha. Donc justement, cette volonté, elle avait besoin hein, de science. Elle était pauvre, elle a besoin automatiquement de quoi ? En elle-même, et en toute réalité, de quoi ? De science. Wal qudratu ratu'thiru ila biwasitati al-irada. Et aussi, donc la qudra, la capacité, elle ne va pas être là, elle ne va pas être présente que par aussi le biais aussi de cette volonté. Wal ilmu la yaftaqiru fi ta'alluqihi bil ma'lumi ila wahidatin minhumā wa amma al-qudrati wal iradati fa kullu minhumā yaftaqiru fi. Et la science, bien sûr, ne sera pas, c'est-à-dire là, que si elle est accrochée, hein, que si justement elle est quoi ? Elle est accrochée, c'est-à-dire elle n'est pas venue seule. Elle est venue parce que justement il y avait ces deux choses qui sont, c'est-à-dire la volonté et la capacité. La volonté et bien sûr la capacité de pouvoir par exemple assimiler les choses, de pouvoir apprendre, de pouvoir comprendre. فتعلقه بالمراد والمقدور إلى العلم فذلك يدل على تفضيله والشرف في منزلته. Donc le fait que cette volonté et cette capacité sont accrochées, sont liées donc hein, vraiment avec cette science. C'est une preuve que la science, encore une fois, parce que ça, c'est le résultat. La science, c'est le résultat de cette volonté, de cette volonté, parce que c'est un phare. La volonté, l'irada, et l'qudra, la capacité, ce sont des furu'. L'asl, c'est l'ilm. Donc, il va falloir passer par ces ponts, par ces chemins, avant d'arriver à la science. C'est encore une fois une preuve de la haute place de la science. عموم العلم تعلقا بالصفات. Donc la science de façon générale a encore une fois un lien avec les attributs, a un lien avec ce qui est caractérisé. إن العلم عم الصفات تعلقا بمتعلقه وأوسعها فإنه يتعلق بالواجب الممكن والمستحيل والجائز والموجود والمعدوم فذات ربي سبحانه وصفاته وأسماؤه معلومة له يعلم العباد من ذلك. Donc certes, la science, c'est parmi les attributs les plus généraux. C'est parmi les attributs les plus généraux. Par rapport justement, on sait que beaucoup de choses reviennent, beaucoup d'attributs, on va les voir revenir à quoi ? À la science d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et cela, donc cette science, la science, elle est quoi ? Elle est liée avec ce qui est obligatoire, ce qui est possible, ce qui est impossible, ce qui est permis, ce qui existe, ce qui n'existe pas. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, Zatullah, donc Allah, hein, donc le Zatullah, c'est-à-dire l'essence d'Allah. Donc sachez que Zat, c'est pas une parole que disait par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, c'est venu après, afin de répondre à ceux qui parlaient du djism, hein, Mujassimin, ce qu'ils disent, qui renient les noms et les attributs d'Allah, afin de ne pas parler du djism, du corps. Donc les ulama n'ont pas voulu utiliser le mot djism, afin de que les gens encore tombent encore une fois dans une comparaison, hein, ceux qui comprennent rien, qui vont croire que le djism, on veut dire par là le corps des humains. Donc ils utilisent un mot qui n'était pas utilisé chez les humains, justement, that, hein, donc l'essence d'Allah. C'est pour ça qu'on le retrouve, même si on ne va pas le retrouver, dans les textes prophétiques. Donc l'essence d'Allah, du notre Seigneur, subhanahu, ses attributs, ses noms, bien sûr, est connu auprès de lui. Hein. Et donc les gens le savent, les gens connaissent cela de ce que, bien sûr, Allah nous a fait connaître. Nous, on connaît de ce que Allah, bien sûr, nous a fait connaître par rapport à cela. Wa amal qudratu wal iradatu fa kullun minhuma khasu ta'alluq. Et par contre, la qudra, donc c'est-à-dire la capacité et la volonté, tout cela a quoi ? A quelque chose qui est spécifique. Tout cela revient à quelque chose qui a un lien qui va pas rester général comme on a vu par rapport à la source, mais qui va rester spécifique. أما القدرة فإنما تتعلق بالممكن خاصة. Donc le Qudra, elle a un lien avec quoi? On a vu tout à l'heure quand on parlait du, hein, de ce qui est permis, de ce qui n'est pas permis, de ce qui est obligatoire et tout. Là, c'est que avec ce qui est possible. Le Qudra, tu as la capacité. Donc, tu ne peux faire que ce qui est possible. La bil mustahil ou la bil wajib. Hein, tu ne peux pas, c'est-à-dire, ça ne va pas revenir à ce qui est interdit ou bien ce qui est obligatoire. Dans le sens où le fait que les choses qui existent donc montrent obligatoirement, c'est-à-dire hein, vont prouver obligatoirement ces choses-là qui existent, c'est-à-dire le quoi? Le fait qu'Allah existe. Hein, c'est-à-dire le kainet, ce qui existe, les montagnes, les cieux et la terre. Fahiya akhassu min al-ilm. Et donc là, elle sera donc cet attribut, el qudra, donc cette capacité, elle va quoi? Là, bien sûr, on ne parle pas par rapport à Allah, on ne parle pas par rapport à Allah, par rapport à cela. Hein? Donc cet attribut, elle sera plus spécifique que la science dans justement cette face, dans ce domaine-là. Wa ammu min al-irada. Et elle va être encore plus complète, elle va être plus générale que quoi? Que la volonté. Elle va être plus générale que la volonté. فَإِنَّ الْإِرَادَةَ لَا تَتَعَلَّقُ إِلَّا بِبَعْدِ الْمُمْكِنَاتِ وَهُوَ مَا أُولِدَ أُجُودُهُ. Et la volonté hein, donc ne sera, c'est-à-dire alliée qu'avec certaines choses qui sont possibles. Et à ce moment-là, les gens vont se dire de quoi on parle. Parce que justement, on retrouve hein, par rapport à Al-Kalam. On retrouve ce genre de paroles des fois dans Tadmouliya. Dans la Qaida Tadmouliya, dont les gens, justement, ont renié Allah par ce genre de paroles. Donc là, il y a encore une fois, donc c'est une façon de parler afin de pouvoir en même temps répondre aux gens de la Bid'a. Certains de la Bid'a qui utilisent ce genre de paroles hein, afin de faire croire qu'Allah n'existe pas. Ou bien Allah, justement, n'a pas hein, ce qu'ils veulent dire qu'Allah n'est nulle part. Donc, parce qu'ils ont utilisé ce genre de istilahat, ce genre de paroles, et Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, répond avec ce genre de paroles. وَهُوَ مَا أُولِيدَ أُجُودُهُ. Donc cela est allié et lié avec ce dont on a voulu, ce dont il a été voulu, c'est-à-dire qu'il existe. Les choses dont cette existence ont, bien sûr, sont le fruit de quoi? Donc justement, sont le fruit de certaines volontés. فَالْعِلْمُ أَوْسَعُ وَأَعَمُّ وَأَشْمَلُ فِي ذَاتِهِ وَمُتَعَلِّقِهِ. Donc la science est plus, donc plus générale et plus complète, dans justement dans en elle-même la science en elle-même est quoi est plus générale et plus complète que les autres que l'irada et que aussi al-qudra. On va s'arrêter là. Barakallahu fikoum. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك.